n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Anastasia. Bonjour Adèle, bonjour à tous. Nous continuons notre série sur les 7 péchés capitaux. Hier la luxure, aujourd'hui la colère. On peut pas rivaliser, on va te dévaliser, man. Te déterciner, te décalciner, ok. Un bon joint du 9-2, diac, ma libido est brusquée. Je compose un numéro, glisse entre une paire de cuisses musclées. Ici on est tranquille, loin de tout parasite. Baby, fais-moi la bise, puis suce-moi la bite. Ok, je suis vulgaire, les bourgeons chopent des ulcères. Quand ils écoutent, ce qui sort de ma bouche, c'est le son dangereux du terre-terre. Sonne à fond, intérieur cuir noir, boîte séquentielle. Pour écrire, il me faut du chisnit, la drogue m'est essentielle. On est venu cracher notre haine, fuck la SDRM. Haute scène, ça vend du seum, car c'est le cash qu'elles aiment. On écoute le titre Le Duc de Boulogne, de Booba. La colère est devenue le fond de commerce d'un genre musical, le rap. Elle est parfois gratuite, mais la plupart du temps, elle est justifiée et ne devient problématique quand elle s'accompagne d'une haine irrationnelle, d'une volonté de chaos et de destruction. Cette colère-là, c'est la colère d'Achille chez Homère, sur laquelle s'ouvre le premier chant de l'Iliade. Je cite. « Chante, déesse, la colère d'Achille, le fils de Pélée. Détestable colère qui, aux Achéens, valut des souffrances sans nombre et jeta en pâture à Hadès tant d'âmes fières de héros, tandis que de ces héros mêmes, elle faisait la proie des chiens et de tous les oiseaux du ciel, pour l'achèvement du dessein de Zeus. Part du jour où une querelle tout d'abord visa le fils d'Atrée, protecteur de son peuple et le divin Achille. Le mot, en grec, est « ménis », terme normalement exclusivement employé pour qualifier une colère divine, funeste et dangereuse. Achille est le seul mortel à qui s'applique ce terme dans tout le corpus homérique. La question de la colère est largement traitée par les auteurs antiques, Aristote, Plutarque, Cicéron, Sénèque. Elle prend évidemment une nouvelle épaisseur avec l'arrivée du christianisme, en raison de l'incarnation. C'est ce qu'expliquent Carla Casagrande et Silvana Vecchio dans leur « Histoire des péchés capitaux au Moyen-Âge ». La réflexion théologique sur la colère bloque sur une question pour le moins complexe. Le Christ s'est-il réellement mis en colère en chassant les marchands du temple? Le thème est repris dans un sublime tableau de Rembrandt. On voit un Christ dont la colère paraît calme et donc justifiée. C'est le triomphe de la saine colère de Dieu, celle qui rappelle à la vérité et à l'ordre. En effet, les pères de l'Église jugent la colère divine comme une manifestation de la haute justice et non comme un trouble passionnel. Lactance se situe à part en considérant que l'interdiction porte sur l'irascibilité permanente et non sur la colère. Pour Grégoire le Grand, la colère reste juste si elle est subordonnée à la raison. Toute la différence entre la colère de Dieu et la colère des hommes tient à ce que la première est un acte de volonté, tandis que la seconde est un acte de passion, où la volonté est soumise à l'hubris, à l'excès. À la colère du cœur, celle de l'indignation et de l'arrogance, s'ajoute la colère de la bouche, celle des blasphèmes et des insultes, mais aussi la colère de l'action, avec les rixes, la violence, le meurtre. Pour les pères de l'Église encore, la colère a un pouvoir perturbateur, physiquement visible. C'est ce qu'on se dit en regardant le tableau d'Egon Schiele, la colère qui gronde. L'homme est déformé par la colère qui le démange, et son regard trahit l'éclosion d'une folie intérieure que rien ne pourrait calmer. Quand on pense à la colère de la bouche, impossible de ne pas évoquer une Madeleine, cette scène mythique du film « Nos jours heureux » qui montre l'animatrice Caroline, jouée par Joséphine Demeau, péter un câble, comme disent les jeunes, face à un enfant particulièrement difficile. Écoute Benoît, les piscines c'est pour les enfants. Normalement tu devrais aimer aller à la piscine. Tu comprends? Mais tu sais ce que t'es? T'es le roi des cons au pays des emmerdeurs. Un petit con, casse-couille, qui prend la tête, d'accord? Hein? Un espèce de petit enculé de merdeux qui chiale sa race toute la journée. Voilà ce que t'es, connard. Connard. Connard. Petit enculé de merde. Effet comique garanti, en raison évidemment de la disproportion de la réaction par rapport à la situation. C'est bien cet excès pourtant qu'il faut fuir, par le détachement selon Sénèque, l'introspection selon Grégoire le Grand, car s'il y a des colères légitimes, celles qui ne le sont pas sont créatrices de chaos. Elles perturbent l'ordre du monde et déstabilisent les nations. Merci beaucoup Anastasia, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du Journal de la Philo.